productif comme la Chine, V12 dans la machine. Pour faire du chiffre, on sort un mousse, un bullshit. Oh, ramène tes rappeurs, ils vont s'écarter quand je vais kicker 2-1 air click. J'rappe pour la zone, ne crampe pas les vos bitches. J'suis dans le délire depuis un bout de temps, hey. Moi ça me fait rire, tous ces rappeurs de merde qui rêvent de toucher le million à coups de sang, ouais. Mesure de haine, ma gueule en dilon, à vrai dire, j'ai envie de baiser le game, ouais. Écartez donc les âmes fragiles, pour réussir, y'a pas de magie. Vu la bastos qui crée le bain de sang, tu stopperas pas l'hémorragie. Au-dessus du lot, j'démarre à vif, la concurrence n'est pas ravie. Suffit d'à rien pour tous les baiser. J'm'en donne 4 avec Paris à rire. J'ai vu mes rêves partir en fumée comme mon pilon d'air. J'suis pas là depuis hier, non. Texte sombre, j'écris de nuit sans lumière. J'avoue que c'est hallucinant. Trop de faux MC de balbutiement. Mon passage t'a paru long parce que ça pointe la rue et le ciment. Trop de faux gars, ouais, trop de stars qui foutent les boules. Et dans le Tchekar, sport officiel, c'est la bicrave, pas le volleyball, homie. On m'a dit change de thème et bosse tes textes, tu feras plus mal. J'ai lâché mon plumard pour rapper sec et fracturer des mics. Suffit d'un rien pour se démarquer, creuser l'écart. Comme il suffit d'un rien pour se faire plomber, tomber et en garder des marques. Du sec, sec comme Kalash, on me voit pas, j'navigue en zoom. Suffit d'un rien pour savoir le jour, mais j'préfère que ça reste en dessous. Suffit d'un rien pour que tout s'écroule d'un coup. J'attends plus que la retourne, je remettrai plus à demain ce que je peux tout faire d'un coup. Suffit d'un rien pour les faire taire tous d'un si coup. Pour te mettre six pieds sous terre d'un spliff pour que tu tous. Suffit d'un rien pour que tout s'écroule d'un coup. J'attends plus que la retourne, je remettrai plus à demain ce que je peux tout faire d'un coup. Suffit d'un rien et puis tu perds tout. Et frère, si tout n'est pas si terre, je regarde la vie d'un gens doux. Suffit d'un rien pour qu'on les baise et qu'on prenne place. Ils comprennent pas pourquoi tant d'acharnement. Je frappe fort, moi y'a pas de messe basse. Pour faire déborder le vase, il suffira d'une goutte. Pour perdre un proche, suffit d'une maladie, d'un accident de la route. La vie me dégoûte, tout comme notre train de vie. Et dans nos têtes, c'est Beyrouth, perdu à la déroute. Et à l'inverse de ce que j'aurais voulu être. Et ouais, partout ça parle de housse. Flic, trafic d'armes et descend dans chaque trou, ça reste la même. Y'a juste des kilomètres qui distance. J'ai fait la part des choses et gaffe à ce qu'on me la prête pas. L'état nous présente tous. Donc on a doublé le prix du 7 là. Suffit d'un rien pour s'endormir derrière des barreaux. Ouais, PO, greffe-moi deux autres mains que je compte mes frères au ballon. Roule un polo comme j'irais MEH. Suffit d'un rien pour se faire poucave, se faire péter en plein trafic de hache. Retiens la leçon, t'es pas à ça. Après garçon de façon, tous de passage, mort pas l'âme, son passons. Après la tempête, je pense pas qu'il y aura le calme.